11B. Il était une fois un petit garçon, gentil, très gentil, qui s'appelait Hippocamé. Ce petit garçon, très gentil, habitait chez sa tante car il était orphelin. Mais sa tante ne l'aimait pas du tout, et elle lui préférait ses deux fils. Elle leur réservait toujours les plus beaux habits, et pour Hippocamé, les vieux habits. Ses deux fils avaient toujours droit aux bons morceaux de viande, et Hippocamé aux os. Hippocamé faisait toujours toutes les corvées, aller chercher l'eau à la rivière, nourrir le cochon et les poules, éplucher les légumes. Souvent, Hippocamé était puni injustement, et dans ses colères, sa tante menaçait de le donner au diable. Mais Hippocamé était un garçon courageux, très courageux, et il ne se plaignait jamais. Pour oublier ses malheurs, il rêvait souvent à sa chère marraine, chez qui il aimerait bien partir vivre un jour. Un soir, alors qu'ils étaient à table, la tante ordonna à Hippocamé d'aller cueillir un piment afin d'épicer le repas. Il faisait noir, très noir. Et, tout de suite, Hippocamé, qui était pourtant courageux, très courageux, pensa « C'est sûr, ce soir ma tante m'envoie au diable. » Avant de sortir, il prit soin de glisser dans sa poche les 7 pépins d'orange qui portent chance et que sa marraine lui avait donné pour son anniversaire. Une fois dehors, la nuit l'enveloppa tout entier. Il prit garde à faire le moindre bruit afin de ne pas se faire remarquer par le diable. Soudain, il vit une petite lumière comme celle d'une luciole. Mais celle-ci se mit à foncer sur lui comme une boule de feu. « Le diable » pensa-t-il. Et sans réfléchir, comme par instinct, Hippocamé lança les pépins d'orange à terre et se mit à chanter. Oranger, pousse, pousse, le gros diable veut me manger. Oranger, pousse, pousse, le gros diable veut me manger. C'est alors qu'un oranger sortit de terre et se mit à grandir, grandir et grandir encore devant Hippocamé, surpris, mais surtout ravi. La boule de feu était toujours là, menaçant Hippocamé. Oranger, sortez branches, le gros diable veut me manger. Et les branches de l'arbre se mirent à pousser, pousser. Hippocamé sauta sur l'une d'elles et grimpa vers le sommet de l'arbre afin de se mettre à l'abri de la boule de feu qui s'approchait encore plus et toujours plus menaçante. À ce moment-là, la boule de feu éclata et un vilain diable apparut, tout poilu, avec des longues griffes au bout de chaque doigt. Hippocamé ne perdit pas son courage. Il se mit à chanter de plus belle. « Oranger, donne des oranges, le gros diable veut me manger !» Et alors, de belles oranges bien grosses remplacèrent les fleurs. Hippocamé les cueillit et les envoya sur le diable. Hippocamé était très adroit, et chacune de ses oranges atteignait le diable qui, lorsque le jour commença à poindre, se retrouva enseveli sous les oranges magiques. Lorsque le premier rayon de soleil brilla, la terre s'ouvrit et engloutit le diable. Hippocamé sauta de son arbre sauveur qui disparut à son tour. Il retrouva alors dans sa poche les 7 pépins d'oranges. Il songea à sa chère marraine et décida d'aller vivre chez elle. Hippocamé se mit donc en route, certain que les 7 pépins d'orange le protégeraient de tous les dangers.